a prié, il vous a donné. La gamelle pour Bertrio, la gamelle, la gamelle. Bertrio, la gamelle. Il va manger sa gamelle, Bertrio. Il nous a vendu ce top corrompu, cet enfoiré. Il nous a vendu. Et j'ai les preuves comme quoi il nous a vendu, cet enfoiré. Bertrio, tu vas manger ta gamelle. On va tourner en promenade, la salope. Ils t'attendent avec... Corrompu de Bertrio. Il nous a vendu. Il nous a vendu. On vaut des dinars maintenant. Bertrio nous a vendu aux Algériens. Il nous a vendu partout. Bertrio, il a fermé sa gueule contre des vides. Bref. Corrompu, Bertrio, corrompu, Bertrio, corrompu, sale, corrompu. Son âme, elle est en enfer. Bertrio en enfer, même la Talo ne le supporterait pas. Bertrio en enfer. Nous a vendu cet enfoiré, nous a vendu. Sale corrompu. Il m'a vendu, moi. Il m'a vendu aux Algériens, cet enfoiré. Bertrio, DRS. Bertrio, DRS. DRS. Ah, il travaille avec les Algériens, tu sais. C'est là où il fait sa corruption. Il a du pétrole et il nous vend. Bertrio nous a vendu pour des dinars, cet enfoiré. Des dinars. Et quelques dinars, pas des mille, hein. Pas des mille et des cents. Bertrio, son affaire avec les Algériens, il va falloir t'expliquer. C'est bon, s'il te plaît, enlève ça. Parce que là, ça fait trop là. Bertrio nous a vendu avec quelques dinars. Bertrio, traître de la nation. La guillotine pour Bertrio. Traître à la nation. Il m'a vendu, cet enfoiré. Il m'a vendu, revendu. C'est la vérité. Sa mère. Vendu, revendu, putain, il a failli me tuer, je sais pas combien de fois. Bertrio, traître à la nation. Indigne. Ah oui. Traître à la nation, cet enfoiré. Thank you. traître à la nation. La guillotine pour Perdriau. Il serait temps de la remettre à l'église.